love you, Baba ya mutema. Say I love you, Baba ya mutema. Kutala kala maya ya wakera makiko. Mama kujali nata maolo bela. Hey kala bachala, mona ba mona. Kala bachala, hey mona ba mona. Hey kala bachale, hey mona ba mona. Hey kala bachala. Levasseur à grande marque. Et là, mon poussé à moi. Mano, na combinière Molière à caneton bafoui oyo elobaka Hola. Yeah. Yeah.

et suivez le guide. Tokende, Totikate, Paradis Alibousso. Nzete, Yamapela, Nzotomike Kasibokonote, Ezanga. Loma baguette, cocina, mi chumayazo. Loma baguette, cocina, mi chumayazo. Loma baguette, cocina, mi chumayazo. Africa. Toko Olinga Kabuye Serge Kassanda na bazonga ya yokei mutako yeba obominga mambo José Congolo FBI na type K lelo komiko embrase banzela misusu yo posani ba sermo pretaki na ba promesa yo komiko pesa bangu na fever balo balo ba oyebi ndenge na sala propaganda na kongo na yo bakoma kosekanga nakikala kidiva sero ya lia sosoe wapi babu virginia merci bazobina nese mwanga na ndako naza kowa susi ezo etangenga lobi ya mwananga libanga te zala na probleme ya moto kasi ya susi te nakofunda yekoa pe Binda Bassa Restaurant La Couronne Zaza Tchongo Angèle Tchongo Na boma fui no maje e nem baio e mana mambo no tika e não desa temo to ali a cara e ame tudo boma boca essa dos pepele Papa me jante tu pan ah oh, oh, oh. Sala je si ma na bana kufa papa na shala kone na bela manene potana mala souveni Memphis Club Dario Mulongo TGS Prema Dalida, allez bien rêver, botelé. Dombo la triste Zora, maman a la triste. Dombolo, mwana tala tala, maman tchoulo, manchoule, tchoule, tala banasi, wata kisa Diana, les faux et mambouko. Dieu merci Lomboto. Ah, Willy Kabuya. Nakoluka mwanzimbu, nasombela yo chakwe. Natia nakaje na lupango, napesa kumbwa polino. Soki na bengi andimanga, na natuna nese ngomalwe. Eric Masidi. Kukoza, kipala santu. Kiyoba mela kina pali. Zozo Moutens Mwana mama, Tambo Zolinga na ki, Tosa la ki se baba. Dash Kuzinga. Yolanda Kanyeba, Willy Kwembe. Jean-Pierre Mwaka, Alain Sedele. Patrick Lissedina, Claudine Chou. namo na nzela mino na yo na kingo zomi ngana kufela pa kufela Tete Thérèse bomengwe lingi nango ngai te kasi nzamba pesanga seli kabo ya eloko eluti motu ya ngala nkomo nango bolingo Chéri atambola ka lokola extraterrestre Lora nanga kitoko chéri yeye Sukali na yele kiata oye mafuta nzoye Sokili weye na kosenge zonga moko na mususu Edi Badiata Tozala kana ye le fus kata mala moko na mvula Sentima wane kozala ye eternellement Kole kata feti ya bonane Laurent Lorenzo Lora tambola ka lokola extraterrestre E kachaka Lorenzo nanga kitoko chéri yeye Kalina ya legato ya mafuta nzoye Fifi alonge Sokili wa ya na kosengezo mama kolo mosusu Tozala kana yone fifka tamba na mapa na mbula Santima wane kozala ya eternelema Kole kata feti ya bonane ya dolo kabari Gile kita Kala kala Uta kala wowo Yo dhala kipitila Sanda basoso brahima sengo Me pukwa lela komi pete na kati ya rara ramona Jirkuba Bako miota la yolo kola televizyon Bako miota la yolo kola televizyon Willy Carlos Nelka fali pupa ngaye Na bengi yona telefone Oyambi oui ah Yoka telinga telefone C'est vrai que linga li susite Niki menga mama Barcelone na ngayo Kala kala, uta kala fatu ilunga yodala kipethe na tanda basoso magi mwayuma Mepukwa lela kami mpese na kazi ya mwole Don Piro Bako nyota la yolo kola televizyon Bako nyota la yolo kola televizyon Gramo pawe, papa roki ena ni distomi Na bengi yona telefone, oyambi oui Yo katelinga telefone C'est vrai que l'inga l'insusite Tati chimbolo Texas et katadi Chancelier Midou bongo langa Lusumu langa pona ilingyo Bongo langa bongo langa Bongo langa bongo langa Bongo langa Bongo langa Bongo langa Bongo langa Mama rifana lakne Eh bébé skabisa Michel Claude Ngoma Kosi Pati Omombo Papi Chomo Ekaton en agi d'orange Mais Bayo va répondre à mon tôté Pamaro, Pama, Tama Lobi Pamaro, c'est Pama, Nati Kayote Nzambe pesa bango bozui pesa ngai sagesse ya Salomon na yebata kokima souffrance ya bolio na poito kabana lokola mokriso na mopagano ye Dinye mpeti bienvenu wawa soki lopako yebaka pasi oyo lutu emonaka na tango ya boba lusibi loko mbele yokelaka yata mama wazwa ide yo bebi si motema nanga Le bébé c'est mon thème, y'a grand mon pauvre, la rue salina Fali pompaye, anel kaye Nana linga kaya, oh oh oh, mama ye ye Nalinga kaya, oh oh oh Blanir kandolo na chapo, eh François Babali Ana maïtidi na hana akapika Kokumi na sistema de babor Ekirin Gonzola Zimagola L'homme est petit Dieu est grand Tout le monde le sait Tu donné mon casier. Lina Travel. Et le service express, le travail bien fait. Les Fakata. toka pangala cap le champion toujours à zotio là Freddy Masombo Golo Ema Fujiwara Gladys. Qui cherche trouve et qui trouve supporte. Mon pas aux autres systèmes à plus mal les batailles. Vedi maillon fort, très fort, très très très fort. Ou d'ailleurs, Gunter Zogamundo, tout au roba. Oui, big 1 kang 10, 10 kang 0. Adam Bombole. Oye, mané, mané. Célé. Otulanda Manka Sécurité. Franco Kissa, c'est très fort. Frédéric Bassissi. Charles Ekeba. Jacques Bouvrac wanted de le rechercher. José Mofundo. Quitté Thérèse, fidèle Babala, Horizon Massamba, Feza Hexagone, Général Kankouya Topouan Londres. Jean-Marie Lokanga. Oya mama loyaka. Oya mama loyaka. Keva, Mouy Mouela, Simplice Bata, Apresa, Yafofo, Kadi Mouzela, Laurence Mouakanima, Godé Botondi, Kabou Fatou, Manalo, Abidjo Mouekaton, Western Union, le moyen le plus sûr pour le transfert de votre argent rapidement. Ouais. Yeah. Adné Image, Christian Dienda, Adam Bombo, les grands saoudiens. Laisse ma wété. Fankeng, le grand Camerounais. Henri Mamouza, le 69. Allez, va mouchoir. Allez, lève la mouchoir. Président Melon du Cameroun. Nikonza ou Serge Kayembe. Toujours aussi longtemps. bongo Chéri Weston Otoa di bandia to kati kovo Konese la koi bakaka Wana ki kalungu Wama mokosye Wana ya mamami Kayo Panama Sebo Kolini Seba babo Mandi mandombo Kike kanisi dana Voilà. na Londres. Salomé Banda Le blanc

Jean-Jacques Mande, le président Dani de Bosquet. Pele mongo a joli beta commando moto te vokila lokondo banda lelo yo tanga biro kona yo kende bana bino harite mini babosia matatana bango ye matatana bango bana za simizi ya siga yanga buto ai mama alfa ngongo chateau d'eau mita harmonite motema ya alfa mor flip janette bon petit bob et mafe atomita chaber william saela juju joli Congoli aliao, Congo yolile, Caso, Congoli aliao, Conoma, Congo yolile, Becongo alilimbo yo, Imbusa, Becongo jojo, Lubanzila yawe, Becongo maboza andi, de champini, Bulanga la Jose, Ikote, Becongo selewa didoye, Bunaka luji Saint Valois, Kachala mula si papi boto, Alain Versas, Maître Machuda, Patilo moto, Jado mongo, Be Maître Manis, ya tukelo moto. Mama, yaka wanda, wanda, ale to wanda, ale to wanda, ale mategeta, ale mategeta, ale mategeta, ingeta loketo, ingeta loketo, kiese mo kiese. Pacho ere figuelo masungu, ale, panami bale, tomo na boko, katin simba, tizas katadi, yei kenda, dadi matundu, wala, ale to simba loketo, niata, wala, usakunda, yaka, ale mategeta, ale mategeta, kiese mo yeso, kiese mo yeso. Kef kabamba, wala basi. Senga, chuchuluambo, mama wiva, kukutoya. Wala, ale to simba, ale to simba loketo. Yad, ale, simba, ale, simba, ale, buka loke, ale, buka loke, ale, buka loketo. Anyad, wala, simba loketo, anyad, kese mo yeso. Ale, tout le monde, levez la main. Maître Kim, haute tension, Kevin Kaswa, Yves Abdallah. RDG, yad, TV, papa, attrape mama, Mama peut attraper papa, toucher les réals, toucher les réals, bouger les réals, bouger les réals, te danser, allez te zenga le kendo, niata, allez te bousa, allez te wanda, qu'est-ce mon yeso, allez ma tegeta, allez ma tegeta, pour son amour, Sankara de goûtable les éléments, zenga, zenga le kendo, mwana, niata, allez ma tegeta, voilà ma tegeta, allez, bisous nyoso, topo na musique. Boyo Caribbean Sainte 144 à Bruxelles. Ah, mais le Kiafu! Tu veux tout à ta musique? Yo et Barou qui le fait de Mengle, Kiafu, Coco! Ah, Kudakaru, Katem, Zarité! Bibi Chanteau pour Maman Alison, JR Milam. Ouais, mais ça, Gabanada! Rafa Malemoke. Improvis Mounir est le très spécial. Ah, Etienne Kimboukou sous Festival Musique. Nina Okemba, Nicole Machuda. DJ Dodo et Chico Simon. DJ Henri Zouzi Mambo. Janine Noah, 144 Club. Jean Matan, tout Casino Lungindo. Julie Dienda, AD Images. Izipa, Martin Ikanga. Freddy Batanga. Les honorables Marcus Makani, Alain Makana, Patti Ambroise, le Jeff Dancing Club. Wanga, Vincent Asso, Aye Mwenge, Ameli Soukouté, Aye Mwenge, Ameli Soukouté, Aye Mwenge, Ameli Soukouté, Chocho Bokito, Aye Mwenge, Gigo Kaila, Bébé Gigo, ma femme d'État. Jolino Makelele, Lionel Chamala, Carlin Botecol. Jean-Marie Lokanga, Aurélie Amis. Aimé Toumba, représentant légal, Philo Resto, Resto Mère Philo. Ombre jaune. Yachimo, Yachimo. Poli de Longa, Colo Bilanga. Ya mignonne, mignonne, mignonne, mignonne, mignonne. La mignonne a failli. Marie-José Rodal, la dit Schengen femme d'affaires. Bédikia, la préfet à Toulouse, Mokondi à Haute-Garonne. Alain Boïka, maman Emeline Zemba, maman Moziki. Tous pépélés à Métolo. Samba Mouté Samba, Junior Samba, Méthode Moulenda, Natilo Koulé, Abdallah Yves. Asomba Tukutuku, Katabu, Asomba Laila, Asomba Tukutuku, Nadine Boutembela, Asomba Laila, Asomba Tukutuku, Asomba Laila, Papa Mourinho, Asomba Tukutuku, Asomba Laila. Bravo Hélène, Julie Weston Otuma, Billy Dogs, c'est gagné, Abracadabra, number one, Billy Dogs. Dorian Akuna na shikira kayo. yo yo. Mama pose, no mano to sacanizo. Yo yo, mama pose. Only more mama, bango mana bango mi bale. Fana is spelling mango. Papa Bill Fanny Smith one. Only mana. Tu crois que je me la rends compte? Si je suis soit, n'écoute pas, fais comme moi. Soit que c'est la classe, salon bon génie. Soit que c'est l'état, franc comme bam. Soit que c'est le chic, chic. Yeah, en fait. Yeah, yeah, yeah. Gloria Hollande, une américaine perdue. Oh, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, charismatique comme ton cher d'assaut. Les jaloux peuvent décéder de si coller. Petit ouvre bien ton lit, ton lit. La griffe est italienne, j'ai boy boy. Baby petit week-end à Milano. Tu parles de classe, tu viens du condo. T'as pas compris la connexion, calmos. Yo bandoule, yo bandoule, bastos. On peut jouer sa part dans le cœur. Marto, Marto, Marto, Marto, Marto, Marto, Ricky Jenny, Congo, France, Canada. Champion de monde, aïe, moyen de même. Spatialité pour